Mari Camboli, ton Dieu mon tema. Parlez, parlez, tout ce que tu penses à moi. So qui au Kokombae, chéri na koananga. Loba, loba, Likamboli, ton Dieu mon tema. Parlez, parlez, tout ce que tu penses à moi. So qui au Kokombae, je dois mourir. Zela bolingo, pardon chérie. La bobi la motema, fo bolingo eleki. Soki na ebisio, esoko boyangai. Portaba soki siyo la maloba. Eleki ambeli, tu sais qu'une parole méchante peut blesser. Zela bolingo, pardon chérie. La bobi la motema, fo bolingo eleki. Soki na ebisio esoko boyangai, botaba soki siyo la maloba, eleki ameli, ti se ki parole méchante, de tiwe. Zela bolingo, pardon chérie. Bambina motema po bolingweleki. Soki na ebisio eskoko boyangai. Botaba soki siyo na maloba. Eleki ambeli, ti se ki parole méchante pe blesse. Zela bolingo, pardon chérie. Na bambina motema po bolingweleki. Soki na ebisio eskoko boyangai. Otabazo qui si on a maloba, il est qui a béni, disait qu'une parole méchante, petit ouais, disait qu'une parole méchante, de blessé, disait qu'une parole méchante, petit ouais, maloba, oyo ya ma pe, tonga kambo kate, kasi oyo ya malamu, eko kiko bonisa, disait qu'une parole méchante, petit ouais, disait qu'une parole méchante, de blesser, c'est qu'une parole méchante, de tuer. Maloba oyo ya ma fe, tonga kamboka te, kasi oyo ya malamu, eko kiko bumbisa, c'est qu'une parole méchante, de tuer. Loba loba li kamboli ton dio motema, parle parle tout ce que tu penses à moi, so ki oko bomba e. Je dois mourir. m'a pas comprendre. Oh, je dois mourir. Oh chérie, moi pas l'argent. Je dois mourir. Oh chérie, ma ça m'a pas comprendre. Oh, je dois mourir. Maman a guigué, moi pas idée. Je dois mourir. Et mis en gâteau qui n'a pas la qui m'a fait. Je dois mourir. Oh chérie, moi pas comprendre. Oh, je dois mourir. Bandeko pona nini ngete bandeko kolinga temo ninga sala kasi mayela kayo sala makasi ozwa elokola ye mama sangolo zakwe sangolo zakwe sangolo zakwe sangolo zakwe dondo sangolo zakwe asana sangolo zakwe ukeso sangolo zakwe yena sangolo zakwe soto sangolo zakwe sangolo zakwe sangolo zakwe sangolo zakwe sangolo zakwe sangolo zakwe kinshasa sangolo zakwe na gabon sangolo zakwe na congo sangolo zakwe na gabon sangolo zakwe na lomé sangolo zakwe abidjan sangolo zakwe botono sangolo zakwe nigeria sangolo zakwe la lyonne sangolo zakwe cameroun sangolo zakwe sangolo zakwe mama sangolo zakwe okelo sangolo zakwe bébé sangolo zakwe luambo sangolo zakwe sangolo zakwe sala makasi sangolo zakwe mama sangolo zakwe ebengo sangolo zakwe ebengo sangolo zakwe ngomba sangolo zakwe kete jambo sangolo zakwe pesa sangolo zakwe ependombe sangolo zakwe sala makasi sangolo zakwe mama sangolo zakwe sangolo zakwe Thank you. Ma confiance est assure. Boni au salanga boye, melonanga ibande koye. Natinda ni yomo kanda, o boya te kotanga. Toki tokutani na zina, o boka mi sepayo. Yebi zanga itina di kambo sikinanga. Mikole kaba sanza eko pusa na boningo zalise kokola ata basilikaka potala tasima melo boningo ya bo mwana boningo ya bo mwana ya bo mwana makambo ebele bongo. Mabanzo malekige, nareli impatia motemala. melo chéri ozonga e motema melo chéri ngana linga kayo ikamba kana na yo ya boye oyebi bolinge banana bakoko ya kalabatika iso tozali sekolanda sekolanda e masutina motema pinzali na miso na leli pasi ya motema na chéri ozonga e motema melo chéri ngana linga kayo ikamba kana na yo ya boye oyebi bolinge banana bakoko ya kalabatika iso tozali sekolanda sekolanda e